Un regard, un simple regard. Et vous vous dites soudain que rien, rien dans cette vie n'est le fruit du hasard. Vous êtes vivant. Votre corps tout entier le ressent. Votre cœur bat. Vous vous sentez fort et si fragile à la fois. Quelque chose de ce qu'il est vient de résonner en vous, comme autant de vies passées qui vous rattacheraient, feraient de vos deux corps un tout. Il pourra partir, vous laisser au loin, vivre d'autres désirs, croiser d'autres destins. Désormais, vous savez, quoi qu'il arrive, il fait partie de vous. Désormais, vous aimez, et c'est plus fort que tout. Certaines personnes sont faites pour se rencontrer, peu importe le nombre d'années ou les souvenirs que vous partagerez. Le plus important restera l'intensité. Se perdre dans un regard donné jusqu'à n'en plus pouvoir, sentir que le monde entier vous dépasse et ne voir plus que lui occupant tout l'espace. Vous pouvez rêver d'une vie, vous projeter dans le temps, vous mettre à l'abri ou redouter le néant. Les plus beaux instants d'une vie ne sont pas ceux que l'on planifie, que l'on protège des pièges, que l'on éloigne de l'ennemi. Ce sont ceux qui défient le temps, qui bousculent vos habitudes, lèvent le voile sur les faux semblants, vous donnent le vertige de la plénitude. Il n'y avait pas de courage ou de force à trouver. Il n'y aurait pas non plus de règles ou de leçons à tirer. Le jour où l'écho de ses absences serait devenu insupportable, comme une évidence, elle partirait. C'était là toute la beauté du drame de ces regards passionnés qui se retrouveront trop tard pour être alors libres de s'aimer. Pour les centaines d'années passées et celles à venir alors, elle pourrait repousser loin d'elle mille fois son corps. Son souvenir ne s'effacerait pas. Elle aimait ce qu'il était autant que ce qu'il n'était pas. Elle l'aimait ici, même s'il n'y était pas. Et peu importe le nombre de vies, il finirait toujours par se retrouver ici et là, pour mélanger leurs pas dans des décors inédits. Dans cette vie ou la prochaine, c'était sur un regard que tout recommencerait. Cela ne durerait peut-être qu'une heure, au mieux une journée, après tout, qu'importe. C'était peut-être ainsi que naissaient les éternités.